الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le premier cours dans la lecture du livre Adwa'un min fatawa Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Adwa'un min fatawa Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah fil aqida. C'est les lumières sur les fatawa de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans l'aqida. C'est écrit par le Sheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait dans ce livre qui est composé de deux volumes? C'est qu'il a résumé qu'est-ce qu'on trouve dans les Majmou' Fatawa de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah à propos de la Aqidah. Donc, il a résumé les différents livres qui sont mentionnés ou réunis ou rassemblés dans Majmou' Fatawa de Ibn Taymiyyah. Et en fait, Majmou' Fatawa, c'est un livre qui a été rassemblé, composé à peu près de 37 ou de 38 volumes. Majmou' Fatawa, c'est le recueil des Fatawa de Ibn Taymiyyah, tous ses écrits, ses livres les plus importants qui sont réunis dans une série de livres, dans une série de recueils qu'on appelle Majmou' al-Fatawa. Et le cheikh qui a fait ce recueil ou ce rassemblement de livres, c'est le cheikh Abdurrahman ibn Qasim al-Najdi. Abdurrahman ibn Qasim al-Najdi. Ce cheikh, il a réuni différents livres qui étaient auparavant éparpillés et qu'on retrouvait par exemple des manuscrits dans différentes librairies un peu partout dans le monde musulman. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de faire le travail de rassembler tous ces écrits, tous ces manuscrits-là, puis de les publier dans un seul recueil, dans un seul recueil de livres. Et ça a donné Majmou' al-Fatawa. Bon, c'est pas tous les livres de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui sont présents dans Majmou' al-Fatawa. Il y a, en dehors de Majmou' al-Fatawa, d'autres livres qui sont pas présents dans Majmou' al-Fatawa, comme par exemple, il y a un livre qui s'appelle Al-Fatawa al-Kubra de Ibn Taymiyyah. C'est 5 volumes qui parlent plus des questions qui ont rapport avec le fiqh, puis le volume 5 qui parle de l'aqida, c'est l'aqida tis'iniya, un livre d'Ibn Taymiyyah qui parle de l'aqida. Ça fait pas partie de Majmou' al-Fatawa. Il y a aussi d'autres livres et d'autres fatawa qui sont pas dans Majmou' al-Fatawa. Par exemple, le livre Al-Jawab al-Sahih liman baddala din al-Masih. On l'a ici, le livre, il est là. Donc c'est la réponse aux chrétiens. Donc ce livre-là, il n'est pas dans Majmou' al-Fatawa. Également, le livre Minhaj al-Sunnah, le livre qui s'appelle Minhaj al-Sunnah, qui est une réfutation des Shia, Rafida et des Mu'tazila. Donc ce livre-là, il est composé de plusieurs volumes également. On ne le retrouve pas dans Majmou' al-Fatawa, Minhaj al-Sunnah. Il y a un autre livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui s'appelle Dar al-Ta'arud bayna al-Aql wa al-Naql, qui est écrit également par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. qui est composé de plusieurs volumes et qui ne se retrouve pas dans Majmou' al-Fatawa. Et Ibn al-Qayyim, il dit, c'est un de ses plus grands livres, hein, un de ses plus importants parmi ses livres. Et il y a également parmi les livres Ar-Radd 'ala al-Jahmiyya, hein, ou bien Kashf Talbis al-Jahmiyya, quelque chose comme ça. Donc ça aussi c'est un livre qui est composé de plusieurs volumes dans lequel Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah réfute les shubuhat des Asha'ira, les gens de Kalam, hein, au sujet des noms et des attributs d'Allah. Et il y a d'autres également encore, d'autres que ça encore, qui sont pas dans Majmou' al-Fatawa, qu'on peut trouver, et tous ces livres sont bénéfiques. Et même que certains ulama, ils mentionnent qu'il y a d'autres livres encore qui sont pas encore retrouvés, ou bien qui sont encore peut-être en manuscrit, pas encore publiés, de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc, ça fait partie de la richesse, hein, d'une grande richesse donc de la science qui sont présentes dans ces livres-là et dont on peut profiter aujourd'hui. Vous savez que ces livres-là, à une certaine époque, les livres de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah étaient très difficiles à trouver parce que les gens de Bid'a, ils faisaient la guerre, hein, à cette aqidah. L'aqida de la sunna et du tawhid et de la compréhension des salaf. Et il y en a même parmi les gens de bid'ah, parmi les soufis, toute version ou manuscrit qu'ils trouvaient de Ibn Taymiyyah, ils le brûlaient automatiquement, hein, parce qu'ils ne voulaient pas que les gens puissent avoir accès donc à cette connaissance là puis ils faisaient la guerre donc à tout ce qui a rapport avec les livres qui parlent de la aqida des salaf et qui réfutent les bid'ah. Donc Cheikh Al-Fawzan, dans son introduction, ici on va la lire ensemble, il dit Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da nabiyuna Muhammad wa alihi wa sahbihi wa ba'd fa inna majmu'a fatawa Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah marji'un عظيم من مراجع الإسلام وثروة هائلة من فقه الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح في سائر العلوم الشرعية. Donc le cheikh il dit, après le bismillah ar-rahman ar-rahim, louange à Allah lui seul et bénédiction et salut sur celui dont il n'y a pas de prophète après lui, notre prophète Muhammad, et sur sa famille et sur ses compagnons. Ensuite, il dit, le recueil de livres de fatawa de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, c'est une référence immense parmi les références de l'Islam et une richesse, hein, immense également de la compréhension du Coran et de la Sunna selon la méthodologie des pieux prédécesseurs dans toutes les différentes sciences de la Sharia. Ayqadha Allah bihi al-umma min ruqdatiha wa aqamaha من كبوتها بعد ما تراكمت عليها ركامات من الشركيات والبدعيات والخرافات والتقليد الأعمى إلا من رحم الله منها وبعدما طغى عليها تيار الفكر الغربي والمنهج الفلسفي والسلوك الصوفي ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Donc le cheikh il dit, donc c'est une, il dit c'est, hein, il a réveillé par ces livres là la umma de son sommeil. Il a réveillé la umma de son sommeil par ces livres et il a également, il a combattu les différentes formes de shirk et les innovations et les superstitions et le suivi aveugle qui a transgressé contre cette umma avec les différentes tendances des idéologies occidentales et de la méthodologie des philosophes et la conduite des soufis. Donc tout ça qui s'est rassemblé, hein, contre la voie à suivre, hein, et la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, excepté ceux à qui Allah a fait miséricorde. Donc il a réussi à on a réussi par les livres de Cheikh l'Islam à réfuter beaucoup d'entre ces égarements là. Et il dit ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, les kuffars, comme Allah dit dans le verset, dans le Coran, ils essaient d'éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah subhanahu wa ta'ala refuse, excepté de compléter sa lumière et de parachever sa lumière, même si cela déplaît aux mécréants. فقيض الله لها المجددون له الذين يبعثهم الله على رأس كل مئة سنة ليجددوا لها دينها كما جاء ذلك في الحديث ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية. Donc il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait venir pour cette umma des réformateurs, des gens qui reviennent pour nettoyer et purifier cette religion de tout ce qui a été rajouté ou de toutes les innovations qui ont été introduites pour la rendre pure encore une fois. Donc ce qu'on appelle al-mujaddidun, ils viennent régénérer et renouveler cette religion, et Allah les envoie à chaque 100 ans ces réformateurs pour ramener la religion à sa forme originelle et pour la purifier, la nettoyer encore une fois. Comme c'est mentionné dans le hadith qui est rapporté par Abu Daoud. Et parmi les ulama qui font partie de ces réformateurs là, il y a l'exemple de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Wa laysa hadha min juzaf al-qawl wal-itra' fi al-madih, walakinahu al-haqiqatu al-mathilah fi kutubihi allati minha hadha al-majmu' al-'azim. Il dit c'est pas de l'exagération, c'est pas de la glorification excessive lorsqu'on dit ça, que c'est un réformateur de l'islam, mais plutôt c'est une réalité qu'on peut retrouver et qui se retrouve dans l'exemple de ses livres. Lorsqu'on regarde par exemple son recueil de fatawa, par exemple, il dit wa qad iqtubisat minha mimma yata'allaqu bil 'aqidati hadhihi al adwa التي دونتها في هذا الكتاب الذي هو بين يدي القارئ لتكون مقربة لأهم محتوياته. Donc il dit j'ai extrait de ce majmour, de ce recueil de fatawa, ce qui est relié à la croyance, la aqida. J'ai extrait ces lumières, ces lumières de ces fatawa sur la aqidah, et je les ai recueillis et écrit dans ce livre devant le lecteur pour que ce soit quelque chose qui facilite à quelqu'un l'accès à ce que ces livres contiennent et ce que ces fatawa contiennent comme connaissance et comme science. Il dit wal yatashahhadh همة القارئ إلى الرجوع إلى هذا المجموع لينهل من علومه وقد قيل ومن ورد البحر استقل السواقية. Donc il dit ces lumières que j'ai rassemblées, que j'ai recueillies, en fait c'est pour faire en sorte que le lecteur ait envie par la suite de retourner à Majmou' al-Fatawa, le Majmou' lui-même, le recueil de fatwa lui-même de Ibn Taymiyyah, pour tirer et en extraire de ses sciences. Parce que on dit celui qui a parcouru la mer, quand il est allé sur l'océan, il va voir les cours d'eau, les autres cours d'eau, comme si c'est rien, comme si c'est petit. Donc quand quelqu'un il va accéder à Majmou' al-Fatawa et lire directement dans le majmour qu'est-ce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a écrit dedans, eh bien il va voir que les autres livres sont faciles et petits à côté. Donc en voulant dire que ce livre là que le Cheikh il a recueilli les points les plus importants de Aqidah de Majmou' al-Fatawa, ça c'est juste hein, pour donner une idée à quelqu'un et pour donner à quelqu'un les choses les plus importantes. Mais si quelqu'un veut vraiment s'approfondir et aller lui-même directement dans Majmou' al-Fatawa, c'est là qu'il va trouver, hein, le plus important et qui va, ça va lui donner vraiment une compréhension beaucoup plus profonde et grande de, hein, des questions dont il parle ici. Et il dit: ومن أراد استكمال المعلومات والاستزادة من الاستفادة فليرجع إلى الأصل. Hein? فما هذه الأضواء إلا نموذجا يسيرا مما حواه هذا المجموع والصيد في جوف الفراء. ووفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc le cheikh, il dit, celui qui veut compléter ses connaissances et augmenter le bienfait qu'il va trouver, les points bénéfiques qu'il va retrouver dans ce livre, qu'il retourne à l'origine du livre pour comprendre et apprendre, hein, la réalité de qu'est-ce qui est dedans. Il dit ça, c'est juste un exemple, que c'est juste un petit exemple de ce que contient Majmou' al-Fatawa. Mais il dit was-saydu fi jawf al-fira. Saydu fi jawf al-fira, c'est un dicton qu'on dit en arabe, hein, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que yani le plus important, c'est yani dans comment je peux dire, celui qui peut accéder à Majmou' al-Fatawa, ça fait en sorte qu'il n'a plus besoin de ce genre de livre. S'il va aller directement à Majmou' al-Fatawa, il n'a pas besoin de ce résumé là. C'est ça que ça veut dire en gros. Sinon, à l'origine, c'est un dicton. J'ai vérifié la signification parce que je l'entends depuis longtemps, cette parole, Saydou fi jawf al-fira. Et je savais pas ce que ça voulait dire. En fait, ça existait, cette expression-là, même avant l'islam. Les Arabes, ils disaient ça même avant l'islam. Puis, même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé cette expression-là. As-saydu fi jawf al-fira. Qu'est-ce que ça? Al-fira, c'est l'âne. Hein? C'est un âne sauvage. Alors, c'était trois hommes qui étaient partis à la chasse. Et il y en a un qui a attrapé il a attrapé un lapin ou un lièvre. Le deuxième, il a attrapé un autre petit animal, j'ai oublié le nom. Et le troisième, il a attrapé un âne sauvage. Al-himar, hein? Al-wahshi, un âne sauvage. Alors, les deux premiers, quand ils sont arrivés, ils étaient contents de ce qu'ils avaient attrapé, de ce qu'ils ont chassés, tandis que ils se sont moqués du troisième qui est arrivé avec un âne sauvage, hein? Et lui, celui qui a chassé, qui a attrapé l'âne sauvage, il a dit as-saydu fi jawf al-fira, c'est-à-dire que qu'est-ce que moi j'ai attrapé, on peut retrouver à son intérieur ce que vous avez chassé, en fait. En voulant dire que moi, qu'est-ce que j'ai, ça rentre dans son, qu'est-ce que vous avez attrapé, ça rentre dans son estomac. En voulant dire que qu'est-ce que j'ai trouvé, c'est plus important que qu'est-ce que vous avez trouvé, ou qu'est-ce que vous avez chassé, c'est moins important que moi. Et donc, c'est pour dire, un dicton comme ça que les Arabes utilisent pour dire, en voulant dire, yani, si vous avez, par rapport au contexte de ce livre-là, c'est pour dire que Majmou' al-Fatawa, c'est la source, donc retournez à la source si vous voulez profiter plus. C'est dans ce sens-là. Après l'introduction de Cheikh Al-Fawzan, il dit ici, dans cette introduction, ici, le début, c'est tiré de la parole de l'imam Ahmad dans Ar-Rad al-Jahmiya. Il dit: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس، أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، وتكلموا بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتن المضلين. Donc on va traduire ce passage de l'introduction de l'imam Ahmad. Il dit Bismillahirrahmanirrahim, louange à Allah, celui qui a fait que dans chaque période entre les messagers il y a des restants des hommes de science qui appellent ceux qui se sont égarés à la guidance et qui font voir ceux qui se sont qui appellent ceux qui ont été égarés à la guidance, et qui les font patienter et endurer face aux nuisances et aux difficultés, et qui font revivre par le livre d'Allah ceux qui dont le cœur est mort, et ils leur font voir par la lumière d'Allah ceux qui ont été aveugles. Et il dit, combien d'entre ceux qui avaient été frappés par Iblis, ils les ont fait revivre par la guidance et la foi, et combien d'entre ceux qui s'étaient déviés et égarés, et ils les ont guidés vers le droit chemin. Donc comme l'effet qu'ils ont sur les gens est belle, comme elle est belle l'effet qu'ils ont sur les gens, et comme elle est laide l'effet des gens sur eux. Ils nettoient, ou bien ils nient tout ce qui a été ramené comme déviation, déformation du livre d'Allah, de la part des extrémistes et des gens qui dévient. Donc ils nettoient, ils protègent le livre d'Allah des déformations, des falsifications, des gens de l'exagération, de l'extrémisme. Ils protègent la révélation d'Allah contre les voix des gens des faussaires, des imposteurs, des gens qui se font passer pour des gens de savoir et de science et qui n'en font pas partie. Et il dit, il réfute les fausses déformations et les fausses interprétations des ignorants, qui ont levé les bannières de la bid'a, et qui ont essayé de propager la fitna. Donc ils sont divergés, les gens de bid'a, ils divergent à propos du livre, ils sont en contradiction entre eux par rapport au livre, mais ils se sont réunis sur le fait de se séparer du livre. Et ils disent à propos d'Allah et sur Allah et sur le livre d'Allah des choses sans science, et ils parlent avec des paroles équivoques, et ils essaient de tromper les gens par des ambiguïtés pour les tromper par rapport à la religion. Nous cherchons donc refuge en Allah contre les tentations et les épreuves des égareurs. Donc jusqu'ici on a lu, et après le cheikh il dit wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Il dit, je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, lui seul, il n'a aucun partenaire, et je témoigne que Mohammed est son serviteur et son messager, paix et bénédiction sur lui et sur sa famille et sur ses compagnons. Et ensuite, et là il commence le sujet, il rentre dans le sujet, il dit فَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ كُلَّمَا تَأَخَّرَ الزَّمَانِ وَبَعُدَ النَّاسُ عَنْ آثَارِ الرِّسَالَةِ حَدَثَتِ الْبِدَعِ وَالْخُرَافَاتِ وفشى الجهل واشتدت غربة الدين وظن الناس ما وجدوا عليه آباءهم هو الدين وإن كان بعيدا عنه ولكن الله سبحانه وتعالى لا يخلي الأرض من قائم لله بحجة وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن طائفة من المسلمين لا تزال على الحق ولا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى. Donc le cheikh il commence en disant que on sait très bien que plus qu'on s'éloigne de l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم et plus on s'éloigne, hein, plus que les gens s'éloignent des traces de la révélation et du message divin, qu'on voit apparaître des bid'ah. Plus que les gens s'éloignent de l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plus que les bid'ah commencent à apparaître, les superstitions et la propagation de l'ignorance et le fait que les gens deviennent de plus en plus étrangers par rapport à la religion. Et les gens pensent que ce qu'ils ont trouvé chez leur père comme pratique religieuse, c'est ça l'islam et c'est ça la religion. Même si c'est loin de la religion en réalité. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il ne laisse pas la terre, hein, il ne va pas laisser la terre vide de celui qui va établir pour Allah la preuve, hein, la religion. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'il y allait toujours avoir un groupe parmi les musulmans qui allait rester accroché sur la vérité et que ceux qui vont les abandonner ou qui vont s'opposer à eux ne vont pas pouvoir leur faire de tort jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah. Et ça c'est rapporté dans le hadith authentique par Al-Bukhari et Muslim selon Muawiyah ibn Sufyan, ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma. Donc, même si tu vois que parmi les musulmans, il y en a qui vont dévier, il y en a qui vont s'égarer, qui vont suivre les kuffars, hein, il y aura toujours un groupe parmi les musulmans qui va s'accrocher fermement à la sunna. Et c'est ceux que les kuffars, hein, critiquent en général et qu'ils désignent comme étant, hein, ceux qui sont les intégristes ou les fondamentalistes. Hein, ou ceux qui sont les salafis maintenant, ils les attaquent comme étant, en disant qu'ils sont des salafis. Donc le cheikh dit كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الحاكم وغيره حيث قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. Il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم il a rapporté dans le hadith authentique, comme c'est rapporté qu'il a dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud, et il est authentique, de même que rapporté par Al-Hakim et d'autres, dans lequel le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, certes Allah va faire venir pour cette umma à la tête de chaque 100 ans, au début de chaque 100 ans, celui qui va régénérer la religion pour elle. Hein? Donc il va venir régénérer et réformer la religion pour elle. Donc il y aura à chaque 100 ans des réformateurs de cette religion. Et le cheikh il dit ensuite, وقال المناوي في فيض القدير أي يقيد لها على رأس كل 100 سنة من الهجرة وغيرها والمراد بالرأس تقريبا من أي رجل أو أكثر يجدد لها أي يبين السنة من البدعة ويكثر العلم وينصر أهله ويكسر أهل البدعة ويضلهم قالوا ولا يكون إلا عالما بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة. المناوي c'est un parmi les ulama de hadith, il a fait un sharh d'un livre de hadith, et le sharh s'intitule Faydul Qadir. Dans le volume 2 de ce livre-là, il a expliqué ce hadith que Abu Daoud a rapporté. Il a dit que, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir à peu près à chaque 100 ans, yani de la hijra ou d'autres. Et qu'est-ce qu'on veut dire par birras? Il dit à peu près, taqriban, un homme ou plusieurs qui vont venir régénérer ou réformer la religion pour la Ummah. C'est-à-dire, le cheikh dit, il va clarifier ce qui est la sunna de ce qui est bid'ah. Il va clarifier ce qui est la sunna de ce qui est bid'ah. Et il va augmenter ce que les gens ont de la science. Yukathirul il. Il va faire en sorte que la science se propage parmi les gens. Wa yansuru ahlahu. Et il va défendre les hommes de science. Wa yaksuru ahlal bid'ah. Wa yudhillahum. Il va casser et briser les gens de la bid'a, il va les humilier. قالوا ولا يكون إلا عالما بالعلوم الدينية. Et ça ne peut être que un savant parmi les gens qui a la science de la religion, cachée et apparente. Donc ça veut dire qu'il fait partie des ulama de l'islam. Le réformateur de la religion, c'est parmi les hommes de science. وقال ابن كثير وقد ادعى كل قوم في إمامهم أنه المراد بهذا الحديث والظاهر أنه يعم جملة من العلماء في كل طائفة وكل صنف من مفسر ومحدث وفقيه ونحوي ولغوي وغيرهم انتهى كلامه. الشيخ الست الحافظ ابن كثير, celui qui a écrit le tafsir célèbre, il dit, Ibn Kathir, il dit, plusieurs ont prétendu à propos, plusieurs prétendent que chaque groupe de personnes prétendent à propos de leur imam que c'est lui dont le hadith parle. Des gens, parmi les différents groupes de gens, prétendent que leur imam à eux, c'est de lui que parle ce hadith. Mais il dit, qu'est-ce qui est apparent, d'après qu'est-ce qu'on voit dans le sens apparent de ce hadith, c'est que le hadith en question, il comprend un ensemble parmi les ulamas, un groupe parmi les ulamas de chaque groupe et de chaque différente catégorie de la science. De savants de tafsir, des savants de hadith, des savants de fiqh, des savants de grammaire, des savants de la langue et autres. Fin de la citation. Il dit وَقَدْ وَقَعَ مِزْدَاقَ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَلَا يَزَالُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ فَضْلُ اللَّهِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ يتوالى بظهور المجددين عند اشتداد الحاجة إليهم ومن هؤلاء المجددين الإمام أحمد بن حنبل في القرن الثالث وشيخ الإسلام ابن تيمية في آخر القرن السابع وأول الثامن وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في القرن الثاني عشر وغيرهم كثير. Donc le cheikh il dit, et cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle s'est confirmée à nombreuses reprises, parce qu'on a vu que ce qui a été mentionné dans ce hadith, alhamdulillah, il continue, et par la grâce d'Allah on voit que les apparitions de ces mujaddidin, de ces réformateurs, elles continuent. Il continue à apparaître et à venir lorsque la Ummah en a le plus besoin pour clarifier pour les gens la religion d'Allah. Et il dit, parmi ceux-là, on trouve par exemple l'imam Ahmad ibn Hanbal qui est venu au 3e siècle, et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui est venu à la fin du 7e siècle et au début du 8e, et parmi ceux-là également le Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab qui est venu au 12e siècle, et d'autres également qui sont nombreux. Ceux qu'on a mentionnés, les trois qu'on vient de mentionner, ne sont que des exemples. Le Cheikh il dit wa gharaduna fi hadha al-kitab an nadhkura ma istata'na min madamin fatawahu al-mutawaffira ladayna ليعم النفع بها إن شاء الله ولتصل فائدتها وخيرها إلى من لا يعلم شيئا عنها أو لم يستطع الحصول عليها، ولنزيل الشبه والتعتيم اللذين روج لهما أو روج لهما أعداء السنة ضد هذا الإمام الجليل والمجدد الكبير عند من لم تتوفر له المعلومات الكافية عن هذا الإمام وعن علمه الصافي الغزير، فإن كثيرا من خصومه وحاسديه قديما وحديثا اختلقوا حوله الأكاذيب واتهموه زورا وبهتانا باتهامات كثيرة، وكتبوا ضده كتابات شوهت التاريخ وسرت أعداء الإسلام. Donc le cheikh il dit, notre but dans ce livre, c'est quoi? C'est de mentionner ce que nous pouvons ou ce que nous avons été capables de mentionner de ce que contient les fatawas de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui sont présents et disponibles, qui nous ont été disponibles pour que le bienfait soit plus général, inshallah, et pour que les bienfaits et les profits qui se trouvent dans ces livres, ainsi que le bien qui se trouve dans ces livres, puisse atteindre celui qui n'en a aucune connaissance, pour qu'il soit capable de parvenir à cette connaissance-là, et pour retirer en même temps les ambiguïtés et les doutes qui ont été propagés par les ennemis de la Sunna contre cet imam, ce grand imam et ce réformateur. Pour celui qui n'a pas accès aux connaissances suffisantes à propos de cet imam et au sujet de la science qu'il a laissée, parce que beaucoup de gens parmi les Ibn Taymiyyah, il avait beaucoup d'ennemis, il avait beaucoup d'opposants, et beaucoup d'entre eux ont été jaloux de lui dans le passé et dans le temps présent aussi. Et ils ont inventé beaucoup de mensonges autour de lui. Ils l'ont accusé de toutes sortes de calomnies et de mensonges. Et ils ont lancé beaucoup d'accusations contre lui. Ils ont écrit contre lui des livres qui ont sali l'image de cet imam et qui ont sali l'histoire, et en même temps qui ont réjoui les ennemis de la religion. Et le cheikh il fait référence ici à un de ses livres, Min A'lam al-Mujaddidin, écrit par Cheikh Al-Fawzan justement, dans lequel il fait un résumé de la biographie de certains des Mujaddidin de l'Islam, et il parle des détails de ce que ces paroles-là ont réjoui les ennemis de l'Islam. Il dit « ولكن والحمد لله طوى النسيان ذكرهم ومحى الحق ما كتبوه من ضلال وبقي ذكر شيخ الإسلام ذائعا عطرا في الأوساط العلمية وتتلمذ على كتبه الأفواج تلوي الأفواج وأصبحت مؤلفاته نبراسا نبراسا وضاء لكل من يريد الحق في كل زمان. Donc le cheikh il dit, mais par la grâce d'Allah, tous ces opposants et tous ces ennemis de Cheikh l'Islam qui ont écrit des livres, qui ont essayé de mentir et de l'attaquer, de l'accuser de choses et de mentir sur lui et d'opposer la da'wa qu'il a propagée, tous ces gens-là ont été oubliés complètement aujourd'hui. On retrouve d'eux aucun rappel, aucune mention. Personne ne parle d'eux. Et il dit, la vérité a complètement effacé les égarements que ces gens-là avaient écrits. Et qu'est-ce qui est resté? C'est le rappel de Cheikh l'Islam, ce qu'il a laissé comme héritage et comme science, qui est propagé et qui a parfumé les centres de science, et on a vu sortir par la suite un nombre d'élèves, de gens qui ont étudié ces livres, génération après génération, branche après, hein, classe après classe. Et donc ces écrits, les écrits de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, sont devenus, hein, comme une lumière qui ont servi à éclairer ceux qui veulent la vérité à toutes les différentes époques qui sont venues après. Il dit: وصدق الله العظيم حيث يقول سبحانه فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Le Cheikh, il dit, et ça c'est confirmé par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah a dit vrai lorsqu'il dit dans le verset 17 dans sourate Ar-Ra'd, et le Cheikh, il cite ce verset là comme exemple de ce qu'il vient de mentionner par rapport au livre de Cheikh al-Islam, par rapport aux ennemis de la Sunna. Donc il cite ce verset, on a dit le verset 17. Il dit, il y a une l'écume du torrent ou du métal fondu. L'écume, c'est qu'est-ce qui reste comme saleté, comme mousse sur l'eau. Il dit, cette écume-là, elle s'en va. Ça reste pas. Ça s'en va au rebut. Tandis que l'eau et les choses utiles aux hommes, ça reste sur la terre. Et ça, c'est un exemple que le Cheikh, il donne pour par rapport au verset, pour faire comprendre que, bon, les choses qui n'étaient pas bonnes et que ces gens-là ont écrit pour essayer de contrer la vérité que le Cheikh Ibn Taymiyyah a propagée, ces gens-là, on n'a rien, on n'entend plus parler d'eux aujourd'hui, ils n'existent même plus dans l'histoire. Tandis que les livres de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et la science qu'il a laissée, ça c'est resté. Donc c'est comme qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans ce verset 17 en sourate Ar-Ra'd, en voulant dire az-zabad, ça s'en va. Et comme en voulant dire les paroles de ces gens de bid'a, c'est comme az-zabad, ça s'en va comme l'écume sur l'eau. Mais qu'est-ce qui est bénéfique, ça reste. Allah il fait que ça reste sur les hommes. Et ça c'est des exemples que Allah il donne comme des paraboles pour faire réfléchir. Il dit: wa qala al-imam ash-Shawkani rahimahullah يقول ان الباطل وإن ظهر على الحق في بعض الأحوال وعلاه فإن الله سبحانه سيمحقه ويبطله ويجعل العاقبة للحق وأهله كالزبد الذي يعلو الماء فيلقيه الماء ويضمحل. انتهى كلامه. Donc Cheikh il mentionne les paroles de Ash-Shawkani dans son tafsir Fath al-Qadir. Ash-Shawkani, il a un tafsir qui s'appelle Fath al-Qadir. Et dans son tafsir, il explique ce verset. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut dire dans ce verset que le faux, même si il réussit parfois à avoir le dessus sur la vérité dans certaines situations ou dans certains moments, mais il finit toujours par avoir le dessus. Hein? Allah il va toujours l'éliminer, le détruire, et il va donner la bonne fin à la vérité et aux gens de la vérité. Et c'est comme l'écume qui est sur l'eau, elle réussit à rester sur le dessus de l'eau un certain temps, mais par la suite l'eau la rejette, cette écume, hein? Et elle est chassée et elle disparaît complètement. Et donc ça c'est un exemple. Et il dit ensuite: هذا المثل وهذا المثل العظيم ينطبق على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع خصومه فإنهم حاولوا الظهور عليه واستعدوا عليه السلطة في وقته وضايقوه وكتبوا ما كتبوا من التلبيس والتدليس ضده ولكن سرعان ما نسف الحق الذي معه ما رجوه من الباطل وبقي علمه النافع في كتبه التي صار المسلمون ولله الحمد يتسابقون إلى نشرها وإحيائها وعفى الزمان على كتب خصومه ونسيها الناس فأصبحت في زوايا الإهمال والامتهان، وهذه سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. Donc le Cheikh il dit, tu vois cet exemple immense que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans ce verset, ça s'applique à Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah avec ses opposants. Ils ont tous essayé, ils ont tout essayé pour avoir le dessus sur lui. Ils ont même levé ils l'ont même appelé à paraître en cours devant le dirigeant à son époque, et pour essayer de donner des problèmes à Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ils lui ont fait des procès devant les autorités de son époque. Ils ont inventé contre lui des mensonges, des ambiguïtés qu'ils ont lancées pour essayer de faire croire aux gens que c'était une personne qui était un opposant de la vérité, ou qu'il lançait ils croyaient en des choses qui étaient fausses. Et ils ont inventé contre lui des accusations fausses et des mensonges pour lui donner des problèmes. Il dit, mais la vérité, elle finit toujours par avoir le dessus sur le faux. Et sa science est restée. Sa science bénéfique est restée dans ses livres. Et les musulmans, jusqu'à aujourd'hui, par la grâce d'Allah, ils continuent à se dépêcher et à compétitionner entre eux pour propager ces livres et les faire revivre. Tandis que les livres des opposants d'Ibn Taymiyyah, ils ont été oubliés complètement, complètement délaissés. Et donc ça, c'est la sunna d'Allah dans sa création, et tu ne trouveras jamais de changement dans la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, le cheikh, il va faire une petite biographie de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et dans cette biographie, il va parler, premièrement, de sa naissance, dans quel endroit et à quelle époque il est né. Après, il va parler de ses shuyukh et comment il a appris la science lui-même. Comment il a enseigné. Après, il va parler de ses écrits. Puis après, il va parler également de ce que les ulama ont dit à son sujet et la position de Cheikh al-Islam vis-à-vis de ses opposants. Donc ça, c'est en résumé qu'est-ce que le Cheikh il va dire à propos de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc on va commencer maintenant à lire ça. Le Cheikh il dit « Wa huwa Cheikh al-Islam » Cheikh al-Islam Al-Hafiz al-Mujtahid Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Abdullah ibn Abi al-Qasim ibn al-Khidr ibn Muhammad ibn Taymiyyah al-Harrani al-Hanbali Wulida bi-Harran Yawm al-Ithnain يوم الاثنين عاشر من ربيع الأول سنة 61 و600. وقدم به والده بأخويه عند استيلاء التتار على البلاد إلى دمشق سنة 667 هجريا. Donc ici qu'il explique que Cheikh al-Islam, son nom, on dit de lui Al-Hafiz al-Mujtahid. C'est un grand savant, un mujtahid dans la science, qui a atteint le degré de l'ijtihad Al-Hafiz parce qu'il mémorisait le Coran et la Sunna. Taqiyuddin Abu al-Abbas. Taqiyuddin, c'est un surnom que les gens donnaient à cette époque-là. Taqiyuddin, Shamsuddin, Nasiruddin, tout le monde avait un surnom comme ça. Et ça veut dire Taqiyuddin, le défenseur ou le protecteur de la religion. Taqiyuddin, protecteur de la religion. Abu al-Abbas, c'est sa kunya. Abu al-Abbas, c'est sa kunya. Ahmad, son nom, il s'appelle Ahmad. Ibn Taymiyyah, son nom, c'est Ahmad. Le fils de Abdul Halim. Le fils d'Abdus Salam. Donc son père c'est Abdul Halim, son grand-père s'appelle Abdul Salam, son arrière-grand-père c'est Abdullah. Ibn Abil Qasim, Ibn al-Khidr, donc le fils de Al-Khidr, le fils de Muhammad. Donc il est reculé jusqu'à à peu près 5 de ses grands-parents, un de ses ancêtres. Et puis on l'appelle Ibn Taymiyyah al-Harrani al-Hanbali. Il est né dans la ville de Harran, une ville dans la Syrie, une ville en Syrie qui s'appelle Harran. Le lundi, le 10e jour du mois de Rabi al-Awwal, en l'an 661. Et à son époque, lorsque il est né, il y a eu l'attaque à cette époque des Tatars, ce qu'on appelle les Mongols. Les Tatars, ils ont attaqué cette région-là. Alors, son père est parti avec lui et ses frères vers la ville de Damas, en l'an 667. Donc, ils ont quitté Harran pour aller vers Damas. Et c'est là qu'il a grandi. Mashaykhuhu wa tahsiluhu. Et comment il a étudié? C'était qui ses shuyukh? Naam. Donc, Cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan, il explique que Ibn Taymiyyah akhadha al-fiqh wal-usul an walidih wa sami'a an khalqin kathirin minhum al-Sheikh Shamsuddin wa al-Sheikh Zainuddin ibn al-Manja wal-Majd ibn Asakir wa qara' al-Arabiyya ala ibn Abdul Qawi thumma akhadha kitab Sibawayh fata'ammalahu wa fahimahu وعني بالحديث وسمع الكتب الستة والمسند مرات وأقبل على تفسير القرآن الكريم فبرز فيه وأحكم أصول الفقه والفرائض والحساب والجبر والمقابلة وغير ذلك من العلوم ونظر في الكلام والفلسفة وبرز في ذلك ورد على أكابر المتكلمين والفلاسفة وتأهل للفتوى والتدريس وله دون العشرين من السنين وتضلع في علم الحديث وحفظه وكان سريع الحفظ وقوي الإدراك آية في الذكاء رأسا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف بحرا في النقليات وكان له باع طويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين. Donc le cheikh il résume sa quête de la science et du savoir. Il dit il a pris le fiqh et usul al-fiqh de son père, parce que son père faisait partie des ulama, et même son grand-père faisait partie des ulama aussi. Le livre qui s'appelle Nailul Awtar, peut-être que vous connaissez Nailul Awtar, qui est le livre de l'imam al-Shawkani, Cheikh al-Shawkani. Et ben, ce livre, à la base, c'est le livre du grand-père de Ibn Taymiyyah. Il s'appelle Al-Muntaqa. Al-Muntaqa. Et c'est un livre qui rassemble les hadiths sur les règles de la religion. Et c'est écrit par le grand-père de Ibn Taymiyyah, et ce livre là il est expliqué par Ibn Taymiyyah par Shawkani, et c'est le livre Nail al-Awtar. C'est un livre très intéressant, très bénéfique. Donc il a étudié avec son père, qui était un savant, le fiqh et usul al-fiqh, et il a étudié aussi avec d'autres parmi les grands savants de son époque, le Cheikh Shamsuddin et le Cheikh Zainuddin ibn Manja et Al-Majd ibn Asakir. Il a étudié aussi l'arabe, il a lu les livres sur la grammaire et la langue arabe avec un des ulama qui s'appelait Ibn Abdul Qawi. Puis il a pris le livre de Sibawayh dans la langue arabe. Et Sibawai, c'est un des grands grammairiens, hein, des grands savants de la grammaire arabe. Il a pris ce livre, il l'a étudié et il l'a compris. Il a même dit, même, si je me rappelle bien, il a dit, même j'ai trouvé des erreurs dedans. Il a trouvé des erreurs dans le livre de Sibawai. C'est pour dire, il en est son niveau. S'il est capable de trouver des erreurs chez les imams de la langue arabe, alors ça veut dire que lui-même, il est plus grand que ces imams-là. Et qu'il a une grande science dans la langue arabe. Ou également, il a étudié la science du hadith. Il a entendu des ulama les 6 livres de hadith, les 6 kutub al-sitta. On dit par exemple al-Bukhari, Muslim, ça c'est les deux sahih, puis les 4 sunan, Abu Dawud, al-Nasa'i, al-Tirmidhi et Ibn Majah. Ces 6 livres, on l'appelle kutub al-sitta, les 6 livres. Ok? Ibn al-Bukhari et Muslim, c'est les 2 sahih, puis les 4 sunan, Abu Dawud, Ibn Majah, Abu Dawud, al-Nasa'i, al-Tirmidhi et Ibn Majah. Ça, c'est les kutub al-sitta. Il les a étudiés. Ainsi que la musnad de l'imam Ahmad. La musnad de l'imam Ahmad, il les a étudiés il les a entendus de nombreuses fois. Parce que vous savez que les ulama dans le hadith, ils ne se basent pas uniquement sur la lecture des livres, mais sur as-sama', sur ils l'écoutent, ils l'entendent d'un savant, le livre, les hadiths, ils les entendent d'un savant. Ils ne se basent pas sur la version écrite seulement. Ils se basent sur qu'est-ce que les ulama ont mémorisé et qu'est-ce qu'ils ont transmis des kutub al-sitta. Le Muslim, Abu Dawud, al-Nasa'i, al-Tirmidhi et Ibn Majah. Ça, c'est les 6. Puis la musnad de l'imam Ahmad aussi, il a étudié avec les ulama plusieurs fois. Ensuite, il a étudié le tafsir du Coran al-Karim. Il est devenu un des maîtres dans ce domaine aussi. Ensuite, les règles. Il a maîtrisé les règles de usul al-fiqh, les règles des héritages, le calcul, l'algèbre, toutes ces différentes sciences. Il les a maîtrisées. Il a également analysé et étudié la philosophie et ses différentes branches, de même que ilm al-kalam, il les a étudiés, il les a maîtrisés aussi. Même si, bon, malgré que ces choses-là sont des choses qui sont blâmables à la base, parce que ces choses-là sont inutiles, c'est des choses qui sont, les ulama ils mettent en garde contre ça, mais lui il les a étudiés pour les réfuter. Pas parce qu'il pense qu'il y a du bien à apprendre ces choses-là en elles-mêmes. Non, il les a étudiées pour les réfuter. Et même qu'il a par la suite écrit des réfutations de ces des plus grands parmi les philosophes et les théologiens soi-disant. Il les a réfutés dans ses livres. Et également, il a atteint le degré de la fatwa et de l'enseignement. Il avait même pas 20 ans. Il avait même pas 20 ans. Et les ulama de son époque lui ont donné la permission de faire des fatawas et d'enseigner. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à l'époque de la liberté. Tout le monde peut parler, tout le monde peut avoir un compte sur YouTube, mettre ses vidéos, ouvrir une salle c'est quoi le logiciel que tout le monde utilisait avant? Paltalk. Tout le monde ouvrait une salle sur Paltalk, donnait des cours. Tout le monde se permettait. À l'époque, non. Personne ne peut parler, sauf si les ulama lui ont dit « Oui, toi, tu es apte à parler. » Et si quelqu'un d'autre parle, personne ne va l'écouter. Donc, aujourd'hui, malheureusement, c'est pas comme ça. tout le monde se donne le droit de parler, puis tout le monde écoute tout le monde. Tout le monde écoute n'importe qui. Allah musta'an. Après, le cheikh, il dit, hein, il a également maîtrisé la science du hadith et il a mémorisé les hadiths aussi. Il avait une mémoire très forte. Il mémorisait rapidement, hein, et il comprenait vite les choses. Il avait une intelligence surprenante, hein. C'était un signe d'Allah dans l'intelligence, hein. Une tête dans la connaissance du Coran et de la Sunna et des divergences entre les ulama, et un océan dans les citations et les paroles des ulama, hein. Quand il avait besoin de donner un exemple d'une parole d'un savant, il mémorisait les paroles des ulama et leurs citations. Il pouvait les mentionner comme ça à volonté. Pourquoi? Parce qu'il les mémorisait, ils avaient mémorisé. Beaucoup de livres, les ulama ont dit, beaucoup de livres qu'il a écrits, il était en prison, il n'avait même pas les livres dont les livres qu'il citait, il ne les avait pas avec lui présents dans la prison. Il les citait de mémoire parfois. Hein? Naam. Donc, ça c'est yani, pour montrer un peu comment il était fort dans la science et dans la mémoire qu'il avait. Allah lui a donné une mémoire très puissante. وَكَانَ لَهُ بَاعٌ طَوِيلٌ فِي مَعْرِفَةِ مَذَاهِبِ الصَّحَابَةِ. Il avait une... on dit ça en arabe, on dit كَانَ لَهُ الْبَاعٌ طَوِيلٌ. Il avait une manche longue, très très large, hein, dans la connaissance des positions des sahabas et des tabi'ines sur les différentes questions dans la religion. Donc ça nous donne une idée de comment il a étudié, puis de sa science. اشتغاله في التدريس يعني كان والده من كبار أئمة الحنابلة فلما مات خلفه في وظائفه وكان عمره 19 سنة فاشتهر أمره بعد صيته في العالم وبعد صيته في العالم وأخذ في تفسير القرآن أيام الجمع من حفظه. قال عنه الحافظ أبو حفص عمر بن علي البزار وكان من معاصريه لقد كان إذا قرأ في مجلسه آيات من القرآن العظيم شرع في تفسيرها فينقضي المجلس بجملته والدرس برمته وهو في تفسيره بعض آيات منها وقد منحه الله تعالى معرفة الاختلاف اختلاف العلماء ونصوصهم وكثرة أقوالهم واجتهادهم في المسائل وما روي عن كل واحد منهم من راجح ومرجوح ومقبول ومردود حتى كان إذا سئل عن شيء من ذلك كان كأن جميع المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء فيه من الأولين والآخرين متصور مسطور بإزائه وهذا قد اتفق عليه كل من رآه أو وقف على شيء من علمه ممن لم يغلظ عقله الجهل والهوى انتهى. Donc après, Ibn Taymiyyah, il a commencé l'enseignement, et étant donné que son père faisait partie des grands parmi les imams des savants du Madhhab al-Hanbali, donc lorsque son père est mort, c'est lui qui a pris la bannière, si on veut. C'est lui qui a pris sa place dans l'enseignement par rapport à l'enseignement du Madhhab al-Hanbali, et en même temps parce que yani, à l'époque, si je me souviens bien par rapport à qu'est-ce que j'avais lu à ce sujet-là, c'est que la mosquée à Damas où il enseignait, il y avait une chaise pour chacun des différents madahib, et les ulama des différents madahib avaient leur place pour enseigner. Et donc lui, il enseignait dans la chaise de son père quand son père est décédé. Donc il avait, on dit, il avait 19 ans quand il a commencé à être connu. Et sa connaissance et sa voix a commencé à se propager dans le monde musulman. Les gens ont commencé à entendre parler de lui et de sa science. Et il dit que quand il commençait à enseigner le tafsir du Coran, il faisait des cours chaque vendredi de sa mémoire. Il s'assoyait comme ça, puis il commençait à faire le tafsir de ce qu'il a mémorisé de la science. Et il dit que un parmi les ulama qui s'appelle Abu Hafs, Al-Hafiz, Abu Hafs Omar Ali Al-Bazzar, un des ulama de son époque, il dit, lorsque on récitait des versets, lorsqu'il était assis avec des gens et qu'on récitait des versets du Coran, lui il commençait à les expliquer. Ibn Taymiyyah commençait à les expliquer. Et il dit que l'assemblée n'était pas terminée jusqu'à ce qu'il ait commencé à faire un dars sur ce sujet, sur qu'est-ce qui a été mentionné dans ces versets-là, et il commençait à faire le tafsir de certains des versets qui étaient mentionnés, et Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné de la connaissance au sujet des divergences des ulama et de leurs preuves, de leurs textes, de leurs positions, de leur ijtihad dans les différentes questions, et ce qui avait été rapporté au sujet de chacun d'entre eux, de qu'est-ce qui est rajih, qu'est-ce qui est marjouh, qu'est-ce qui est plus fort comme argument, qu'est-ce qui est moins fort comme argument ou moins proche de la vérité, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est rejeté. À un tel point que si on lui posait une question à propos de quelque chose de ce genre, eh bien, c'est comme s'il répondait avec les paroles du messager d'Allah et des paroles des sahaba et des ulama, parmi les premiers jusqu'au dernier, il y en a qu'il connaissait, comme si tout ça s'était imprimé devant ses yeux, comme s'il le voyait apparaître devant ses yeux. C'est-à-dire, il parlait de ça comme s'il le lisait, hein? D'accord, il n'avait pas besoin de livre avec lui, et tout ça c'était dans son cœur. Et donc ça, il dit, tous les gens qui étaient de son époque, qui l'ont vu ou qui ont lu qu'est-ce qu'il avait écrit de sa science, ont été d'accord sur ça, excepté celui qui avait été aveuglé par son ignorance ou bien par sa passion. Fin de la citation. Il dit wa qala aydan, il dit également wa amma ذكر دروسه فقد كنت في حال إقامتي بدمشق لا أفوتها وكان لا يهيئ شيئا من العلم ليلقيه ويورده بل يجلس بعد أن يصلي ركعتين فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم على صفة مستحسنة ومستعذبة لم أسمعها من غيره ثم يشرع فيفتح الله عليه إراد علوم وغوامض ولطائف ودقائق وفنون ونقول واستدلالات بآيات وأحاديث وأقوال العلماء ونقد بعضها وتبيين صحتها أو تزييف بعضها بإيضاح حجته واستشهاد بأشعار العرب وربما ذكر ناظمها وهو مع ذلك يجري كما يجري السيل ويفيض كما يفيض البحر ويصير منذ يتكلم إلى أن يفرغ كالغائب عن الحاضرين مغموضا عينيه من غير تعرجف ولا توقف ولا لحن بل فيض إلهي حتى يبهر كل سامع وناظر فلا يزال كذلك إلى أن يصمت وكنت أراه حينئذ وكأنه قد صار بحضرة ويشغله عن غيره بحضرة من يشغله عن غيره ويقع عليه إذ ذاك من المهابة ما يرعد القلوب ويحير الأبصار والعقول وكان لا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا ويصلي ويسلم عليه. Donc on va traduire ce passage. Cheikh il mentionne, il dit que en même temps aussi qu'est-ce qu'il mentionne par rapport à qu'est-ce qu'il se rappelle de ces durus. Ça, c'est encore Al-Bazzar qui parle. Il dit, lorsque je me suis installé à Damas, hein, il avait toujours ce genre de durus, et moi je ne les manquais pas. Il dit, moi je ne les manquais pas. Et il dit, il ne préparait rien. Il ne faisait aucune préparation pour ses cours, qu'est-ce qu'il allait enseigner. Il ne faisait pas des préparations avant de faire son dars, ou rien, non. Juste, il s'assoyait, après avoir fait raka'atayn, puis il glorifiait Allah, il faisait son éloge, et il faisait le salat wa salam ala rasul sallallahu alayhi wa sallam, d'une façon qui était bonne, et que les gens aimaient entendre. Il dit, je ne l'entendais pas de personne d'autre que lui, tellement il le faisait bien, son introduction. Puis il commençait à parler de ce que Allah subhanahu wa ta'ala ouvrait dans son cœur, comme science, comme point bénéfique, comme connaissance des notions subtiles de la science, des différentes connaissances de la religion, des différentes preuves, des versets, des hadiths, des paroles des ulama. Et parfois il critiquait certaines d'entre elles, il clarifiait si elle était authentique ou si elle était fausse, il clarifiait les preuves, il mentionnait parfois des poèmes comme témoignage ou comme exemple pour supporter un point dans la langue arabe ou des choses de ce genre. Il mentionne une parole des poètes arabes. Il mentionnait même parfois qui parmi les poètes avait écrit cette parole. Et il avançait sur la mer comme un bateau qui s'en va sur les flots, hein, et qui se laisse porter là où la mer l'amène. C'est-à-dire que il n'avait pas préparé qu'est-ce qu'il allait dire à l'avance. Il faisait juste déverser la science qu'il possédait sur ces différentes questions-là et clarifier la religion pour les gens. Et parfois même, il dit qu'il parlait, il avait les deux yeux fermés. Hein, il fermait ses deux yeux, puis il faisait juste mentionner, parler, expliquer, faire son dars comme ça. Subhanallah. Comme si tout ça s'était enregistré dans son esprit. Il s'arrêtait jamais. Il hésitait jamais pour dire une parole. Il faisait jamais d'erreur ou de faute ou d'hésitation dans sa façon de parler. Non. C'est comme si il savait ce qu'il disait. Il était certain de ses paroles. Et tout sortait égal. Hein? Comme si c'était une récitation qu'il faisait, yani, de la science. Subhanallah. Et des fois on voit des ulama comme ça à notre époque qui sont peut-être, il y a un dixième comme ça de qu'est-ce que on voit l'exemple de Ibn Taymiyyah comme ça, et on est ébloui de voir ça. Et les gens, c'est ça que le cheikh dit, ça c'est comme une science divine que Allah lui avait donnée, comme s'il lui avait donné une inspiration divine de la science qui éblouissait toute personne qui l'entendait ou qui le voyait. Et il dit, ça continuait jusqu'à ce qu'il s'arrête de parler, hein, jusqu'à ce qu'il cesse de parler. Il dit, je le voyais à ce moment-là, hein, je le voyais, et il n'était pas distrait par rien de ce qui était autour de lui, hein, de quoi que ce soit, de ces choses-là, qu'est-ce que les gens étaient éblouis de lui. Là, lui, ça ne l'affectait pas, c'est comme s'il ne se laisse pas impressionner par quoi que ce soit. Même s'il voit que les gens sont tous assemblés comme ça, des masses de gens qui l'écoutent, comme si c'est pas ça qui est important pour lui, il fait juste se concentrer sur, hein, qu'est-ce qu'il fait. Et il dit, les gens avaient un grand respect pour lui, et avaient une grande, disons que quand les gens le voyaient, il impressionnait beaucoup les gens et il inspirait le respect aux gens. Et les gens étaient surpris et étonnés de le voir, et leur, même des fois ils croyaient pas leur esprit quand ils entendaient cet homme-là parler. Ils en croyaient pas leurs yeux, leurs oreilles, qu'est-ce qu'ils étaient en train de comment cet homme-là était capable de d'expliquer de cette façon. Il ne mentionnait jamais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, excepté qu'il envoyait la bénédiction et la paix sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à chaque fois. il dit ولا والله ما رأيت أحدا أشد تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحرص على اتباعه ونصر ما جاء به منه. J'ai jamais vu par Allah quiconque qui avait plus de respect pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou qui avait plus de ferveur à vouloir le suivre et à défendre ce qu'il a ramené que lui. Hatta idha kana awrada shay'an min hadithihi fi mas'alatin wa yara annahu lam yunsakhu shay' wa ghayrihi min hadithihi fay'amal bihi wa yaqdi wa yufti bi muqtadahu wa la yaltafit ila qawli ghayrihi min al-makhluqin ka'inan man kan. وقال رضي الله عنه كل قائل إنما يحتج لقوله لا به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit que lorsque il mentionnait quelque chose des hadiths du prophète صلى الله عليه وسلم à propos d'une question et qu'il considérait que cette parole-là n'avait jamais été abrogée par une autre, hein, donc il l'appliquait et il le prenait selon ce que cette parole implique, et il donnait cette parole comme fatwa. Cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était ça sa fatwa. Il jugeait selon cette parole. Et il ne se tournait vers la parole de quiconque parmi les autres créatures, peu importe qui elle est. Et il disait, hein, Ibn Taymiyyah, rahmahullah, il disait, peu importe la parole de qui elle vient, on ne l'utilise pas comme preuve. Hein. لا يحتج إنما يحتج لقوله إن كل قائل إنما يحتج لقوله لا به. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de quelqu'un, on l'utilise pas comme une preuve en elle-même, mais on a besoin d'une preuve pour elle, excepté le messager d'Allah. Ça dit que la parole de quelqu'un, elle n'est pas une preuve en elle-même, mais on a besoin d'une preuve pour elle, excepté le messager d'Allah. Non. Donc, pour compléter juste ce petit point-là dans le livre, ce passage, Cheikh il dit, فَكَانَ إِذَا فَرِغَ مِنْ دَرْسِهِ يَفْتَحُ عَيْنَيْهِ وَيُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ بوجه طلق بشيش وخلق دمث كأنه لقيهم حينئذ وربما اعتذر إلى بعضهم من التقصير في المقال مع ذلك الحال ولقد كان درسه الذي يريده حينئذ قدر عدة كراريس وهذا الذي ذكرته من أحوال درسه أمر مشهور يوافقني عليه كل حاضريه وهم بحمد الله خلق كثير لم يحصر عددهم علماء ورؤساء وفضلاء من القراء والمحدثين والفقهاء والأدباء وغيرهم من عوام المسلمين. انتهى كلام البزار في كتابه الأعلام العلية. Donc, le Cheikh Al-Imam Al-Bazzar, il dit, lorsque Ibn Taymiyyah avait terminé son dars, il ouvrait ses yeux. C'est quand il a fini son dars, il ouvre ses yeux. Ça veut dire, il n'a pas regardé personne, il n'a pas lu rien. Tout ça, c'est dans son cœur, la science qu'il enseigne. Hein? Et il se tourne vers les gens avec un visage chaleureux, souriant, et avec un comportement qui est doux et qui est simple, facile, une personne simple. C'est pas une personne fière ou orgueilleuse ou une personne compliquée, non. Simple, modeste. Et peut-être même que parfois il s'excusait d'avoir eu un manquement dans qu'est-ce qu'il a mentionné ou expliqué, hein, avec tout ce qu'il avait détaillé en fait de science. Malgré ça, il était modeste. Et il dit, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faisait comme dars? Peut-être que dans un de ses durus, si tu notes tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a enseigné dans son dars, que tu le mets tu le notes au complet dans un cahier ou dans un livre, tu vas remplir plusieurs volumes avec qu'est-ce qu'il a enseigné dans ces, dans ce dars là. Et donc il dit ce que j'ai mentionné des états de son cours, de ses enseignements, c'est une chose qui est célèbre. Et il dit toute personne qui ont été présents dans ces durus, il va être d'accord avec ce que j'ai dit à ce sujet-là. Et ils sont nombreux par la grâce d'Allah. Hein? Et on peut même pas dénombrer leur nombre, tellement il y avait beaucoup de personnes qui assistaient à ces cours, parmi les savants, parmi les dirigeants, parmi les gens de mérite, parmi les récitateurs et les savants de hadith et les savants de fiqh et les savants de la langue arabe et autres qui venaient assister à ces cours, sans compter le commun des musulmans. Hein? Donc ça c'est la fin de la parole de Al-Bazzar dans son livre Al-A'lam Al-Aliyah. Donc ça c'est pour dire, yani, on n'a pas fini, là après il reste à mentionner les écrits de Ibn Taymiyyah et la position de envers ses opposants. Puis donc on va continuer au fur et à mesure, inshallah, le samedi et le dimanche on va faire ce livre là inshallah, et vous allez voir c'est très très bénéfique, très intéressant. Parce que comme le cheikh il a dit, cheikh Al-Fawzan il a dit, beaucoup de gens ils parlent d'Ibn Taymiyyah à tort et à travers, ils disent à son sujet n'importe quoi, et peu d'entre les gens ont vraiment lu et étudié ses écrits. Hein? Ils ne sont pas retournés à qu'est-ce qu'il a dit lui-même. Et c'est triste, même parfois des gens qui sont des soi-disant des chercheurs et qui prétendent faire de la recherche dans la religion et dans la science, ou des islamologues ou bien je ne sais pas quoi d'autre encore. Ils écrivent uniquement par rapport à qu'est-ce que d'autres chercheurs avant eux ont dit. Qu'est-ce que d'autres ont résumé avant eux? Eux, ils prennent leurs paroles, hein, et puis ils se basent sur ce que ces gens-là ont dit sur Ibn Taymiyyah, puis ils se font une opinion ou une position. Au lieu d'aller eux-mêmes lire qu'est-ce qu'il a écrit pour se faire leur propre opinion. Et ça, je l'ai constaté moi-même quand j'ai lu dans les livres de certains de ces chercheurs-là, et j'ai trouvé que parfois ils vont émettre une position ou une opinion et tu vois que c'est totalement faux. Comme par exemple, une fois j'ai lu dans un des écrits d'un de ces chercheurs-là, qui a fait une thèse à l'université sur un sujet, puis il citait Ibn Taymiyyah en disant de lui qu'il fait partie des Zahiriyya. Hein? Zahiriyya. Ça m'a fait rire parce que Ibn Taymiyyah, il réfute les Zahiriyya. Donc de dire qu'il fait partie des Zahiriyya, c'est ridicule. Et Zahiriyya, c'est un madhab parmi les madhahib. C'est le madhab de Daoud al-Zahiri et de Ibn Hazm. Et c'est des gens qui rejettent le qiyas. Et Ibn Taymiyyah, dans son livre Al-Istiqama et dans d'autres livres aussi, il réfute ce madhab par rapport à la question du qiyas justement, et il mentionne les preuves de la fausseté de leur position sur cette question là donc comment un chercheur par la suite il écrit sur Ibn Taymiyyah, il dit qu'il fait partie des Zahiriyya, c'est comme si il l'accuse de qu'est-ce qui est le contraire de sa position. Yani, subhanallah. Il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Ou bien il y en a d'autres qui pensent que parce que certains parmi les takfiriyens et les khawarij de notre époque, qui se prétendent ou qui se disent aujourd'hui des djihadistes ou des djihadiyoun, ils citent Ibn Taymiyyah, ils citent Muhammad ibn Abdul Wahhab, ils citent le Coran, ils citent les hadiths, donc ils pensent que ces gens-là, ça veut dire, donc puisqu'ils citent Ibn Taymiyyah, ça veut dire qu'Ibn Taymiyyah est d'accord avec eux. Tu vois, l'esprit ridicule. Yani, comment ces gens-là yani, ont une idée tellement simpliste? Pourtant, quand c'est eux, ça veut dire, quand c'est des penseurs ou des philosophes ou des gens de leur tendance ou de leur voix, ils comprennent les choses. Quelqu'un peut citer quelqu'un sans être nécessairement sur la même voie que lui ou être d'accord avec lui. Et ça, ils le comprennent, ils le savent. Mais quand c'est Ibn Taymiyyah ou des ulama de l'islam, et qu'ils essaient de trouver un moyen pour les discréditer ou bien les faire paraître pour des gens qui ne sont pas corrects ou pas des bonnes références, eh bien ils les accusent de ce genre de choses et ils les critiquent par rapport à ceux qui prétendent se référer à eux, alors que ceux qui se réfèrent à eux parfois ne sont pas nécessairement sur les mêmes fondements et la même méthodologie que lui. Donc ça, c'est de l'injustice, yani. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.